l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les fautes deviennent parfois des crimes. Alors, adieu Paris. Adieu Paris, pays où sa jeunesse s'est écoulée sans crainte et sans souci entre le vin et l'amour. Adieu Paris, adieu à tous ses amis. Les bas-fonds de Paris, roman d'Aristide Bruand, fut adapté au début des années 80 sur France Culture. Voici cette nuit les 6e et 7e épisodes. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 6e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Claude Richard, Yvonne Clesch, Dominique Paturel, Roger Mollien, Pierre Decaze, Michel Pâtre, Nicole Vassel, Jean-Jacques Stein, René Renaud. Réalisation Claude Roland Manuel. Je veux sortir d'ici, j'étouffe. Je suis une victime de l'injustice. Vrai. Il y a des mois qu'on n'a pas de veine. Quand je dis des mois, je sais pas ce que je dis. Je m'ai toujours connu dans la peine. Sans un pélo. Sans un radis. Ça serait pas trop tôt que je boulotte. Je vais tomber malade. À la fin, il fait chaud, et pourtant je grelotte. C'est-y la fièvre, ou ben la faim? Nom de Dieu, je suis pas à mon aise. C'est pas tant, je sais pas ce que j'ai. Avec ça, j'ai la gueule mauvaise. C'est pourtant pas ce que j'ai mangé. Si j'aurais mangé de la giblotte, ça sentirait meilleur. C'est fin, c'est bon, c'est chaud. Oh, ce que je grelotte, c'est-il la fièvre ou ben la faim? Et puis je sens la sueur qui me coule, à faire rigole dans le creux de mon dos. Je vais crever. J'ai la chair de poule. C'est fini. Tirez les rideaux. Bonsoir la sauce. Mon vieux Alphonse, il vaut peut-être mieux que ça soit de la faim. Ici-bas, quoi que j'étais, un gonce, là-haut, je serais peut-être un séraphin. Ce fouineur de Ragdal cherche à percer le secret de la naissance de Rose Aimée. Ayant séduit Julie Lapeste, la femme de chambre d'Adrienne de Charmeuse, il acquiert la conviction d'une substitution d'enfant. Le comte de Charmeuse, pour se débarrasser de Valentine Clément, son ex-maîtresse, et de leur fille, qu'Adrienne croit être la sienne, les a expédiés à Courtenay, chez sa tante, la duchesse de la Roche-Cléry. Que devenait Rose-Aimée, la vraie fille de la comtesse de Charmeuse? Ou plutôt, que devenaient les Chopin, car en fait, le sort de Rose-Aimée dépendait du leur. Vous ne pouvez soupçonner à quel point la mésaventure de Jean-Baptiste Chopin allait perturber bon nombre d'existences. Vous vous souvenez que le soir où Ragdal leur confia Rose-Aimée, les Chopin fêtèrent l'événement à leur manière dans un cabaret des Buttes Chaumont. Les libations excessives de J.B. lui valurent des démêlés avec la maréchaussée et la justice. Si marqué pour l'exemple. L'exemple de quoi? C'est ça que vous appelez la justice? Et mon bavard, vous lui avez pas laissé placer 15 mots pour les 30 balles que Fifine lui a refilées? Si, moi, hein? Qu'est-ce qui va donner à bouloter à la femme et au gosse pendant tout ce temps? C'est-y vous? Un peu cher pour une malheureuse godaille. Vin béni, monsieur Ragdal. Pas d'avance pour sa gosseline. Sans lui, on chirait pas de grosses crottes. Chopin, Jean-Baptiste, vous êtes désormais le 4267. C'est de l'injustice. Misère. Je veux sortir d'ici, j'étouffe. Je suis une victime de l'injustice. Mais oui, moi aussi. À l'avenir, tu cloueras ta grande gueule au lieu de brailler des chants séditieux sur la voie publique. Et chaque soir, avant de te coucher, tu astiqueras le plancher de ta cellule. Il faut qu'on puisse se mirer dedans. Chouette, me v'la penser frotteur. Mais je vois pas la cire et la brosse, patron. Ne fais pas le mariole, je te le conseille. On frotte avec un cul de bouteille, que v'là. Et on cire avec de l'huile de coude. On t'apprendra le règlement. Encore une rousse pétance ou un manquement à la discipline, et tu fais connaissance avec le mitard. T'as l'air de rien comprendre. Le cachot, le tombeau des forts et la terreur des costauds. Rien de tel pour mater les fortes têtes de ton acabit. Hiver comme été, la tenue ne varie pas. Pantalon de treillis et chemise écrue. Régime journalier, deux verres d'eau et une demi-boule de son. Le cachot, un triangle en maçonnerie avec une lucarne de bois, interceptant la lumière, mais en laissant filtrer l'air glacé. En sortant du mitard, on a le droit à une douceur, l'admission à l'infirmerie. En hiver, le maximum un mois provoque la mort. Tu? Le père, le v'là l'infirmerie de Mazas. Le pauvre, sorti du mitard, les pieds, les doigts gelés. Et voilà Gragdal, le soutien de la famille. On vient de le coller à la roquette. Ça, c'est la fin des fins. On s'en relèvera jamais. Oui, cette noble crapule de Ragdal venait d'échouer misérablement à la roquette. Grisé par son succès, se croyant déjà le roi de Paris, il avait abusé de sa veine insolente. Paumé sur le tas au New Town, cercle sélect qu'il fréquentait sous le parrainage de Charmeuse, pris en flagrant délit de tricherie. Puisqu'on le tenait, la justice était bien décidée à régler certains de ses comptes. Mais Ragdal la devança. Il fit tenir un billet au comte de Charmeuse. Cher ami, j'ai obtenu l'autorisation de vous voir au parloir de faveur. Quelle chance! Accourez donc au reçu de ce mot, car nous avons à conférer sérieusement dans notre intérêt commun. Et Charmeuse obtempéra? Bien obligé. Les derniers mots étaient fort explicites. Mon cher comte, les juges me sont plutôt hostiles. Une ordonnance de non-lieu ou même de mise en liberté provisoire sont de plus en plus improbables. Je l'ai reniflé hier à l'instruction. Seule une évasion peut m'en sortir. On ne s'évade pas de la roquette. Je vous prouverai le contraire, à vous et à Dame Justice. Et vous comptez sur moi pour réussir dans cette folle entreprise? Le médecin-chef de la roquette est de vos relations. Je l'ai aperçu aux réceptions de Suzanne d'Amour. Je vais simuler une maladie, me plaindre de la privation de douche qui me sont recommandées, ce qui est d'ailleurs vrai. Il n'existe pas de système d'hydrothérapie complète dans les établissements pénitentiaires. On me transportera dans un hôpital civil si je suis sérieusement pistonné. Le juge d'instruction lui-même ne peut s'y opposer, affaire de médecin, exclusivement. Jusqu'à quel point dois-je me compromettre pour vous ? Aucun risque. Qui soupçonnerait une complicité entre vous et moi ? Monsieur le comte de Charmeuse s'intéresse à un ami dans le malheur, quoi de plus naturel ? Il sollicite des soins pour un malade, quoi de plus humain ? Et son protégé en profite pour jouer la fille de l'air un dimanche, plus propice, parce que c'est le jour des permissions du personnel. En quoi est-il responsable ? Oui, bien sûr. Et une fois libre, que ferez-vous ? J'irai à Londres attendre la prescription. En prime, je vous débarrasse. Bien obligé. Peut-être. C'est à voir. C'est tout vu. La recommandation porta. Ragdal fut envoyé en surveillance à l'hôpital Saint-Antoine. Le plus difficile était fait pour le comte Roger. Il n'en éprouva pas moins une lourde et glauque sensation d'ignominie, d'enlisement dans la boue. Il dut encore visiter Ragdal pour s'occuper des derniers détails. Ragdal se montrait un comédien hors ligne. Il avait positivement l'air de vouloir rendre sa vilaine âme à son créateur. Est-ce que par bonheur cela serait devenu sérieux ? À le voir étendu sur le dos, geignant et tournant des yeux blancs. Ainsi, il pouvait partir pour le grand voyage. Sans prescription, ni retour. Quelle superbe chance. Ah, oh, sérieux. Ça y est. Tout le monde coupe. Le reste est franc comme l'or. Le topo de l'hosto n'a pas de secret pour moi. L'idéal, dimanche soir, 1h du matin. Après la seconde ronde. D'ici là, j'aurai endormi leur vigilance. Vous m'attendrez avec un fiacre à partir de minuit, au coin de la rue Sainte-Marguerite. Vous patienterez sans doute 1 heure ou 2. Roger de Charmeuse, le noble descendant des croisés, ne rechigna pas à poireauter même plus longtemps. Et même pour plus de sûreté, il accompagna Ragdal jusqu'au bout de sa route. À Saint-Denis, ils prirent le train pour Calais. Roger poussa un soupir de soulagement lorsque le bateau leva l'ancre, emportant son complice outre-Manche. Bon voyage, Ragdal. Il me semble que les cauchemars du passé s'en vont avec la fumée de ton steamer. Adieu, Ragdal. Adieu, moulin de la galette où j'ai guinché. Adieu, bistrot, adieu, goguette où j'ai goualé. Adieu, garçon et gigolette, soyez heureux. C'est un garçon qui vous le souhaite. Bonsoir, adieu. Adieu, Paris, pays où ma jeunesse s'est écoulée sans crainte et sans souci, entre le vin, l'amour et ma maîtresse. Adieu, Paris. Adieu, tous les amis. Oh, attends un peu, Chippy, je vais t'aider, moi. Mais t'as fini de chialer, là, mon Ragdal. Mais vous autres, on n'a plus rien à becter, c'est clair? Commissaire, huissier. Oh, la vache de propriété nous expulse. Où est-ce que je peux dégoter 266 francs et 45 centimes? Éloi, il me prête une voiture à bras. Je la chargerai de ce que nous aura laissé l'huissier. Quand elle vit sur le trottoir ses pauvres hardes, jetée pêle-mêle, Fifine se mit à pleurer. Mon homme. Mes pauvres gosses. Il n'y a donc plus de bon Dieu. La daronne, le coupé est attelé. Où faut-il conduire madame? Ah, mon pauvre bibi, j'ai guère le cœur à la rigolade. Va au hasard, n'importe où. Ce sera partout du pareil au même, on nous recevra comme un chien dans un jeu de pied. Enfile-moi la mon dalle sur le tas de loques là à l'arrière. Je porterai mon reculot. Éloi, merci de nous soutenir. Vaut mieux être deux dans les brancards que Bibi tout seul. On m'aurait dit qu'un jour on m'obligerait à quitter cette maison où j'ai vécu de longues années, pas malheureuse au bout du compte, où les enfants sont nés. Ah, misère. Thérèse, Mélie, Lola, accrochez-vous à mes jupes et les lâchez pas. Allez, je vais pousser en route, les garçons. Je dirais que je m'enfonce dans du noir, dans un infini désespoir. Rien, personne ne nous recueillera. Je coucherai dans la rue, sur le tas, et je crèverai au coin d'une borne, sous les regards indifférents des passants, cuirassés contre la pitié. La nuit dégringole, le bec de gaz s'allume. Il y a si longtemps qu'on traîne notre misère. Au confin de la chapelle. Maman, je suis fatiguée. Du sommeil. Que je suis cruche, pas vrai, Bibi? D'autre côté des fortifs, vers Saint-Ouen, il y a le vieux Jean Boncoeur qui a été viré comme vous. Des puretins de la Bif, ils se sont casés dans un vieux wagon réformé au milieu d'un terrain vague. C'est encore loin? Oh, 2-3 broquilles, et ça fera le marre. On sera toujours à l'abri. On verra de masse dégoter une chouette cambuse. Mais avec ce qui nous reste, on pourrait amener quelques victuailles et puis 3 ou 4 litrons. Madame, c'est pas la rue royale. La route sinistre s'enfonce dans la nuit. À droite, à gauche, de loin en loin des maisons basses, séparées par de longues barrières en planches. Au-delà, des champs miteux. Allez, bébé, encore un effort. Allez, hardi, on va traverser le terrain et on y sera. Il y a une lumière à quelque part. Là, ça y est, voilà le wagon. Oh tiens, un vieux bifa qui se montre. C'est Jean Boncoeur. Allez, viens Bibi, On va lui exposer le cas. Ouais. La famille Chopin échouait au port de misère. On se cala dans le fond du vieux wagon en ruine. En se tassant, il y a toujours de la place pour le pauvre monde. Ça nous connaît, misère et compagnie. De la purée, quoi. On but un coup, on se réconforta. Rosémée elle-même, après avoir longtemps geint comme un pauvre agneau, s'endormit sur le rythme lent et douloureux de la chanson des chiffetons que se mit à lui fredonner le vieux père Jean Boncœur, le museau de son chien sur les genoux. Faisait pas beau, pas ben loin au bord de l'eau, près de la Seine, là où qui poussent des moissons, de cul de bouteille et de tessons, dans la plaine. Ma mère m'a fait dans un coin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. C'est à côté des fortifs, on n'y voit pas de gens comifs, qui sent le musc, ni des mômes à qui qu'il faut, des complets quand il fait chaud, c'est un lusque dont les gosses ont pas besoin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. À Paris, il y a des quartiers, aux cléptios qui n'ont pas de métier, ils se font pègres, nous pour pas crever la faim, à 8 ans chez un biffin, on est maigre, pour vivre on a du tintouin, à Saint-Ouen. Faut trottiner toute la nuit, et quand l'amour vous poursuit, on s'arrête, on s'embrasse et sous les yeux du bon Dieu qui est dans les cieux, comme une bête, on se reproduit dans un recoin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. Enfin, je ne sais pas comment on peut y vivre honnêtement, c'est un rêve, mais on est récompensé, car comme on est harassé quand on crève, et le cimetière est pas bien loin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. Et le grand calme de la sorgue emplit la piaule hospitalière. Gibet Chopin ne lâcha pas la rampe. Il eut la veine insolente d'avoir les jambes et les bras gelés dès le début de sa peine en guitare. On le transporta à l'infirmerie des prisons de la Seine. Et il en réchappa ? En restant perclus toute sa vie. Fifine lui écrivit sa détresse. Un oxyco répondait à sa place car il ne pouvait plus se servir de sa droite. Ce fut long à tirer des 6 marquets. Enfin, l'été vint un peu dégeler ses membres. Et un matin, on lui rendit ses fringues, on leva son écrou, on lui refila quelques centimes dans la pogne, et le gaffe de l'entrée cria « Liberté !» Dans la rue, tout étourdi et aveuglé par le grand air, Chopin ne savait plus marcher. Il lui semblait que le monde devinait sa déchéance. Lentement, appuyé sur un bâton d'infirmerie, il se traîna jusqu'au tramway et traversa Paris. Au fortif, il descendit, tâtonna, s'informa. C'était là-bas, tout là-bas, que grouillaient des panetés de déchards dans les roulottes et sous les bâches. Il repartit. Le vieux wagon des biffins était toujours là, et sa nichée devant. Regardez, c'est le père ! Mes mômes, ma pauvre Fifine. Oh, mes enfants, Jamais, jamais plus on ne leur montra cette côte de misère. Je me décolle, ils ont eu ma peau, les vaches. Et voilà le wagon du père Jean Boncoeur, échoué comme une vieille carcasse de navire sur une côte lointaine, calé parmi tous les résidus des poubelles. Aussi loin que je peux regarder, je ne vois que misère et détresse, abandon et damnation. Cette bande pouilleuse blottie sous une bâche, cette femme demi-nue qui lave des guenilles dans un baquet, ce vieillard sinistre des vêtues silencieuses. Et même ce cheval promenant sa carcasse famélique, allongeant le cou vers de rares touffes d'herbe. À chaque pas, on dirait qu'il va s'effondrer comme un squelette anatomique dont les ficelles se cassent. Misère. La misère, elle est dans l'air. Elle sort de ses champs jaunes et pourris, sans un frisson de gaieté. Elle est plaquée, masque indélébile sur tous ses visages. Et pas un ne se plaint. Nous aussi, mes pauvres mômes, ma fifine. Nous sommes condamnés, exécutés. Jamais plus je ne m'assoirai à mon établi d'horloger. Une rude et sale existence commence. Nous sommes empoignés par je ne sais quoi de formidable qui ne pardonnera jamais. Et Paris gronde là-bas dans son indifférence énorme. Vae victis ! Malheur aux pauvres ! Ma vieille branche, mais qu'est-ce que t'as à chialer ? T'es donc pas un homme ? T'as deux bras pour turbiner, pas vrai ? Alors ? Mes bras, j'en ai plus. Gelé, perclus, foutu. Et comme si toute parole d'espoir ou de pitié dût trouver là un écho de désespérance, la voix de Rosémée répondit. Vas-tu clore ton bec, toi, la Montmaragdale ? Porter la guigne noire, y a pas à dire, cette poison-là. Elle se rua vers le panier d'osier qui servait de lit au bébé. Mais devant le lamentable berceau, un grand chien maigre, aux beaux et lumineux quinquets, montra les crocs. À quoi bon t'en prendre à elle ? Elle n'en est point la cause ? Ça changera rien ? Toutou, il est meilleur que nous tous. Regarde-le. Il allège doucement, d'un air de camaraderie et de protection. Il y a belle lurette qui l'a adopté, ta rose aimée. Bon toutou. C'est pour un autre toutou que j'avais rimé ces quelques vers. Comme je t'aime, brave ami, brave toutou fidèle. Et comme on doit te préférer à l'homme, au traître, au fourbe, à l'ennemi qui t'empoisonne à la fourrière, ou qui te met la pierre au cou pour te jeter à la rivière. Pauvre toutou, mon bon toutou. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, sixième épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Claude Richard, J.B. Chopin, Yvonne Clèche, Fifine, Dominique Paturel, Ragdal, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Pierre Descazes, Le Gardien, Michel Pâtre, Bibi, Nicole Vassel, Éloi, Jean-Jacques Steen, Jean Boncoeur, René Renaud, Le Journaliste, et Aline Auban et Marie-Béatrice Gras. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard, au piano Roger Pouli. Bruitage Patrick Martinache, collaboration technique Maurice Biard, prise de son Madeleine Sola, assistante Annie Delers. Réalisation Claude Roland-Manuel. Ce sixième épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 7 septembre 1981 et le septième dès le lendemain, 8 septembre 1981. Le voici, sans attendre. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 7e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Pierre Constant, Monique Thierry, Roger Mollien, Pascal Mazzotti, Denise Provence, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. Et 10 années passèrent. Foutu cochon de client, je vais tout de même vous en pousser une, petit gris. Vas-y Marius, donne-moi la note. Et Maxime lui refilera la leur aux ceux qui sont pris de démangeaison dans les guiboles. Une fois qu'ils auront raqué, ils pourront aller se faire voir ailleurs. C'est en hiver qu'on m'a trouvé, un beau matin sur le pavé, entortillé dans un bout de laine près de la Seine. Et j'ai poussé tout doucettement, sans savoir pourquoi ni comment, avec les mots de la racaille et de la canaille. C'est moi, petit gris, le petit loupiau des rues de Paris, et dans la grande ville où que je me faufile, tous les soirs et je crie, demandez la patrie. J'ai pas jamais appris de métier, j'ai toujours vécu dans le papier, du boniment des journalistes et des listes, de tous les numéros gagnants, et des loteries d'un tas de feignants, et des vannes et des balançoires, oh, et des poires. C'est moi, petit gris, le petit loupio des rues de Paris, et dans la grande ville où que je me faufile, tous les soirs et je crie, demandez la patrie. N'empêche que c'est déjà rupin d'arriver à gagner son pain, mais on n'est pas des fils de princes et puis mince, qu'il vaut mieux faire tous ces trucs-là que de boulotter du Panama ou de voler du pognon aux courses et dans les bourses. C'est moi, petit gris, le petit loupio des rues de Paris, et dans la grande ville où que je me faufile, tous les soirs et je crie, demandez la patrie. Sensationnelle nouvelle, le roi de la pierre s'installe à Paris. Demandez le giflat, Jean Robin, le célèbre architecte revient milliardaire. Demandez la tranche. J'ai construit des quartiers entiers de New York et de Chicago. Bâti des maisons en 5 jours, des palais en 6 semaines, des villes en 3 mois. J'ai jonglé avec les millions, remué les milliards. Il lui en est même resté quelques-uns aux mains. Le français Jean Robin devint John Robin, le roi de la pierre. Great John, comme l'appellent toujours les Yankees avec leur familiarité enthousiaste. Cette fortune a dû éblouir plus d'une héritière, ou d'une aventurière. Mon cher, il vécut seul, Seul avec l'image de l'absente et de l'infidèle Adrienne de Charmeuse, séparée de corps, mais toujours comtesse en titre. Que de fois, pourtant, je l'ai maudite, l'infidèle. Que de fois, dans le silence de mes nuits d'angoisse ou de travail, j'ai murmuré tout bas son nom, avec des sanglots et des imprécations. Et voilà que Jean Robin annonçait son départ pour la France, sans esprit de retour. Sa Majesté quittait l'Amérique. Un deuil national. Le contre-coup de cet événement retentit en France. Dès lors, Jean Robin devint la coqueluche de Paris. Dès le lendemain de son arrivée par train spécial, les invitations pleuvaient. Fatalement, le faubourg Saint-Germain et la Haute Banque se le disputèrent. On se racontait les merveilles de son palais des Champs-Élysées. 8 jours plus tard, le Jockey Club le recevait à l'unanimité. Ses chevaux gagnaient les prix de Hauteuil, dont il envoyait le montant à l'assistance publique. En un mot, l'homme à la mode. Mais en dépit de sa générosité, on devait continuer à se poser la question. Le roi de la pierre avait-il un cœur de marbre? C'est même sur ce point d'interrogation que le drame commence. Il nous ramènera logiquement aux dessous de Paris, à ceux de Suzanne d'Amour et à Montmartre. La mamelle du monde, messeigneurs, qui vivra, têtera. Mesdames, quel succès ma fête de charité! Grâce à vous, vous êtes d'adorables petites quêteuses. Et vous, ma chère Adrienne de Charmeuse, comme c'est gentil à vous d'avoir quitté votre retraite pour vous associer à mes œuvres de charité. Je vous en remercie. Vous savez bien, ma chère baronne, que pour les enfants, je suis toujours disponible. Oh, ma chère Adrienne, voici le roi de la pierre, le roi de ma fête. John Robin en personne. Ne vous défilez point, au contraire. Je compte sur vous. Je ne vous lâche pas le bras. Je vous en prie. Venez. Adrienne. Monsieur. La comtesse de Charmeuse vous tend son aumônière, mon cher John Robin. Vous n'en serez point quitte à moins de 1000 francs. Pensez à nos pauvres, à nous. Je n'ai pas assez sur moi. Permettez-moi de vous faire un chèque. Ma chère comtesse, vous êtes toute pâle. C'est rien, c'est rien. Vous n'êtes pas bien? Non, ça va. Voulez-vous aller vous reposer dans ma chambre? Voilà. Vous permettez d'excuser la comtesse? Je suis curieuse. Oh, 1 million! Chuta, par l'homme. Et elle s'éloigne, très calme. C'est elle qui m'insulte. Les reproches viennent d'elle. Quelle femme est-ce donc? Oh, je le saurai, je la verrai, je lui parlerai. Je lui jetterai à la face tout ce qui me torture depuis que j'ai appris son mariage là-bas, par-delà les mers. Je lui demanderai compte de ma vie brisée, empoisonnée. Je la souffletterai à mon tour. Dussé-je en mourir? Ah, mes chers amis, savez-vous qui est parmi nous? Non. Le célèbre Aristide Bruant. Oh. Mon cher Aristide, vous n'allez pas nous refuser de nous chanter un petit quelque chose? Oh, non. Comme si vous étiez au mirliton, pour nos pauvres. Oh. Bougre de salopard d'Aristo. Oh. Puisque vous le demandez si gentiment, je ne suis pas descendu au faubourg Saint-Germain uniquement pour contempler vos fioles de décavé. Oh. Aussi, je vais vous en goiler une petite sur de pauvres gens, oui, dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, du haut de vos monticules de pognon, oh, les canuts. Canus. Marius de mon cœur, à toi le doigté. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'âme. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nos antissons pour vous grands de l'église, et nos pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau, ruban, sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau, ruban, en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Madame la comtesse rentre plus tôt que prévu. Madame est souffrante. Un peu fiévreuse. Je n'y suis pour personne. Misérable lâche. Il a osé. Il est venu chez la baronne uniquement pour moi, en préméditant son coup du chèque. Homme debout, corps sans âme. L'ai-je assez aimé? Jusqu'à oublier mes pudeurs de jeune fille, jusqu'à me donner sans restriction, jusqu'à devenir sa maîtresse. Il s'est éjoué de moi. Peut-être ne m'a-t-il pas estimée assez riche. Il a disparu soudain sur des serments que j'ai encore dans le cœur après tant d'années. Puis plus rien. Pas un mot de réponse. Mes lettres, mes pauvres lettres que j'arrosais de mes larmes, que j'aurais voulu écrire de mon sang. Il n'a même pas daigné me répondre une seule fois. J'ai eu une fille de cet homme-là. Seigneur, voilà pourquoi je n'ai jamais pu aimer cet enfant. Le juste mépris que j'avais pour le père m'en séparait. Oh, le misérable, l'infâme. Il m'a prise, aimante, aveuglée de tendresse infinie, pour m'abandonner. Rien ne comptait d'autre pour ce fort banc d'amour que l'or, de l'or, rien que de l'or. Oh, je te hais, entends-tu, je te hais. Rien ne peut égaler ma haine. Sinon mon mépris. Madame la comtesse me pardonnera, j'ai frappé. J'ai cru à un malaise. Un monsieur attend au salon. Je vous avais dit, Mélanie, que je défendais ma porte. J'ai assuré à ce monsieur que madame n'était pas visible. Il m'a répliqué qu'il savait que vous étiez là. Il a un nom bizarre, Judas Barnum. Il me fait peur. Lui, il ose. C'est à appeler les valets à le faire jeter dehors. Que vient-il faire? Me braver encore, me torturer? Ce nom est un défi. Larron d'amour, larron d'honneur. Que veut-il? Implorer un hypocrite pardon? Chercher à renouer, peut-être? Le lâche. Soit. Je le verrai. Madame est toute retournée. Le concierge peut le chasser. Non, non. Priez ce monsieur d'attendre. Je descends. Félicite, Jean Robin. Votre lâcheté dépasse toutes mes prévisions. Ma lâcheté? Mon courage, au contraire, m'étonne moi-même. Barnum importe peu, mais Judas, je veux savoir pourquoi vous m'avez appelé Judas. Parce que je n'ai pas trouvé de mot plus méprisant. Soyez certaine que ma pitié pour vous égale votre mépris pour moi. Vous venez sans doute vous assurer que je ne suis pas un fantôme, que je suis bien moi. Pensiez m'avoir tué d'un coup en fuyant en Amérique. Si je ne suis pas mort moi-même, en apprenant votre mariage, c'est que vraiment, il n'y a pas de douleur qui tue. Vous ? De la douleur ? De la douleur, oui. Si on peut parler ainsi de tout ce que j'ai enduré, s'il est un vocable humain pour désigner de telles tortures. D'abord, ma stupeur, mes lettres sans réponse. L'inquiétude sans nom qui me rongeait, votre faire-part de mariage. Mes nuits sans sommeil passées dans un labeur dévorant pour essayer de vous oublier. Et maintenant, je souffre plus que jamais, puisque je te vois. Jean, que dis-tu ? Je sens que je souffrirai toute ma vie si, d'une balle dans la tête, je ne me décide pas à terminer d'un coup mon amour et ma misère. Répète. Oh Jean, que dis-tu ? Tu m'as écrit. 100 fois. Et qu'est-ce que je sais ? 1000 fois. Et tu n'as rien reçu de moi ? Rien. Pas une ligne. Jamais, jamais. Mon Dieu ! Pardonne-moi. Prends-moi dans tes bras. Embrasse-moi. Oh, j'en ai tellement rêvé de cette seconde. Mon amour. Non. Non. Je ne peux pas. À la pensée de l'autre qui t'a tenu dans ses bras. Adieu. Et pourquoi adieu ? Non, non, attends-moi chez toi demain. Nous avons des mesures à prendre ensemble. Rien ne peut plus nous séparer. Écoute. Écoute, je te jure que tu peux me tuer d'un mot et pitié d'un homme pour qui tu es tout. Oh, mais quelle preuve veux-tu de ma sincérité ? Veux-tu que je m'en aille d'ici tout de suite, telle que je suis, sans rien emporter ? J'habite chez mon père et non chez mon mari. Oh, pardon, je suis prête, je suis à toi. Tu es à moi. Et l'enfant ? L'enfant ? Te figures-tu que j'ignore la naissance de l'enfant annoncée par toute la presse mondaine ? Oui, l'enfant, comprends-tu ? Je crois sans doute me confondre, m'écraser. Cher imbécile, l'enfant, ton enfant, ta fille, mon amour. Ma fille. Née 6 mois après mon mariage. J'ai douté de toi. Et maintenant, mon Jean, va-t'en et attends-moi. Deux êtres comme nous ne doivent même pas avoir à se reprocher l'effleurement d'un baiser. Va. J'ai d'abord à mettre la situation au net. N'oublie pas, je suis à toi et tu m'appartiens. Madame, monsieur le comte est là. Le comte ? Je lui avais pourtant interdit une fois pour toutes de venir me relancer chez mon père. Je ne suis pas là. Mon père est-il dans son bureau ? Oui, je crois. Madame la comtesse. Monsieur. Qu'y a-t-il? Mais c'est toi? Que signifie? Cela signifie que je viens d'apprendre des choses monstrueuses et que je vous en demande compte. Cela signifie que je veux savoir quel misérable a supprimé les lettres que Jean Robin m'écrivait et celles que je lui adressais. Les lettres? Quelles lettres? Répondez! Est-ce vous? Et si ce n'est point vous, cherchez avec moi le bandit qui a fait ce coup atroce. Je t'assure, tu te trompes. Mais voyons. Jean Robin, sort de chez moi! Répondez, est-ce vous? Jean Robin sort de chez toi? Que veut-il, celui-là? S'imagine-t-il, parce qu'il a gagné quelques sous dans de louches tripotages, qu'il va venir faire la loi chez moi? Jeter le trouble chez d'honnêtes gens? On a toupé, par exemple. Oh, que je le vois, moi. Et je te fiche mon billet que je lui ferai descendre l'escalier plus vite qu'il ne l'a monté. C'est parvenu. Il n'y en a que pour eux. Son argent! Je m'en fous! Qu'il s'attaque à moi, s'il l'ose! J'ai encore les reins solides! Je lui ferai toucher terre! Est-ce vous qui avez fait cela? Quoi? Ah oui, tes lettres! Ah oui, tes lettres! Les siennes! Oui, qui les a arrêtées? Eh bien oui, c'est par mon ordre! C'est moi! Et après? Hein? Après, monsieur! Après! Vous n'avez plus de fille. Vous avez commis un acte ignoble. Et s'il n'y a pas de loi qui punisse des crimes de cette nature, vous n'en méritez pas moins le mépris. Après! Comme vous avez dû rire en vous-même. Que vous importez les larmes de votre enfant, votre caisse était sauve. La caisse! Voilà ce qui vous tient lieu de tout. Amitié, tendresse, affection paternelle, honnêteté se résument pour vous dans ce mot. Caisse! Soyez satisfait. Demain, Paris sera que pour épargner un peu de son or maudit. Le banquier Bonnaire a risqué de tuer sa fille en monnayant un titre, plutôt que d'accepter un mariage avec un jeune homme pauvre. Mais il y a une justice! C'est bien rattraper le petit jeune homme pauvre. Et vous, vous souffrirez un jour. Gavé, repu d'argent, vous rechercherez autour de vous une affection, un regard d'amitié. Et vous mourrez seul, dans l'ignominie de votre or infâme. Non. Adieu! Adrien, où vas-tu? Où je vais? Rejoindre celui qui est mon époux selon mon cœur. Me mettre sous sa protection jusqu'à ce que la liberté me soit rendue par les lois. Je vais retrouver l'homme à qui je n'ai cessé d'appartenir, alors que vous me vendiez à... Permettez, madame. Disons les choses comme elles sont. Vous allez rejoindre le milliardaire Jean Robin, alors que je suis, moi, ruiné. Il ne vous suffit plus, madame, d'être comtesse. Vous voulez devenir reine. Reine de la pierre. Ça s'appelle des gens à son aise, mais c'est pas eux qui les malins. Si c'est toujours eux qui a la braise, c'est toujours eux qui sera les daims. Ils sont frusqués avec des plures qu'on leur y fait exprès pour eux. L'hiver, ils se collent dans des fourrures. Dame, y a pas que nous qui est des frileux. Quand ça joue, que ça gagne ou que ça perde, ça s'en fout. Et ça fait un foin. Leur gonzesse aussi fait sa merde. Ah, si j'en tenais une dans un coin. Ma gosse à moi, c'est une gironde. Mais elle crâne pas comme ces femmes-là. D'ailleurs, faut qu'elle parle à tout le monde, puisque c'est le métier qui veut ça. Quand on n'est pas brise de naissance, pour vivre, faut bien truquer un peu. Ces gonzes-là, s'en a-t-il de la chance? Ça mange et ça boit quand on veut. Et puis ça nous appelle les dos. Ah, nom de Dieu, je suis pas bégueule. Mais s'il n'y avait pas tant de cergots, mince, que je leur y casserais la gueule. C'était Les Bas-fonds de Paris. Par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 7e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Pierre Constant, Jean Robin, Monique Thierry, Adrienne, Roger Mollien, Roger de Charmeuse. Pascal Mazotti, Bonnaire. Denise Provence, la baronne. René Renaud, le journaliste. Michel Vénard, Mélanie. Et Michel Pâtre, Olga Pelletier, Marianne Lors. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ces 6e et 7e épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 7 et 8 septembre 1981. À suivre et d'ici là à télécharger